franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant on emporte l'histoire aujourd'hui, Gerda Taro et Robert Capa, une passion photographique. Sur cette photo prise à Paris en 1935 à une terrasse de café, ils sont irrésistibles. Jeunes, joyeux, amoureux et follement doués. Lui, c'est Robert Capa, le Hongrois aux allures de gitan et au charme ravageur, devenu le grand reporter de guerre, prenant tous les risques pour une bonne photo. Elle, cette jolie rousse qui sourit sous son petit béret, c'est Gerda Taro, d'origine germano-polonaise, la première femme photoreporter qui trouvera la mort 2 ans plus tard en couvrant la guerre d'Espagne. Le destin de Gerda Taro et de Robert Capa est indissociable des tourments des années 1930. Tous les deux, juifs d'Europe centrale, poussés à l'exil en France par la montée du nazisme, deux déracinés qui, ensemble et séparément, se donneront à corps perdu dans l'engagement antifasciste à leur manière à eux par le photoreportage. Ils étaient deux, mais la postérité, souvent cruelle pour les femmes, n'a longtemps retenu que le nom de Robert. Et pourtant, Taro et Capa, Capa et Taro, c'est par ces deux petits mots presque interchangeables que les deux photographes tamponnaient leurs clichés. Qu'importe qui en est l'auteur, puisqu'ils travaillent ensemble et qu'ils s'aiment. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Michel Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, auteur de plusieurs livres sur le reportage pendant la guerre d'Espagne. Dans quelques minutes, je vais raconter l'histoire de Gerda Taro et de Robert Capa à travers principalement le regard de Gerda. Mais avant, une question un peu générale, Michel Lefebvre. 70 ans après, comment se fait-il que l'histoire de la guerre d'Espagne continue de nous fasciner? Vous-même, vous avez écrit sur Joseph Kessel, Jean Moral, Robert Capa, donc des reporters qui ont couvert la guerre d'Espagne. Alors moi, je m'intéresse à cette histoire parce que je suis le fils d'un républicain espagnol, mais c'est vrai qu'en France, cette guerre d'Espagne fascine. Elle fascine les mythes de cette guerre, les héros, les batailles, la mort. Les brigades internationales. Les brigades internationales, donc l'engagement, c'est la montée du fascisme. C'est resté quelque chose de très fort, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de descendants d'Espagnols installés en France. Et au milieu de ça, il y a le mythe absolu, cette espèce de Roméo et Juliette du photojournalisme, Gerda Taro et Robert Capa, bon, qui ont inspiré non seulement des historiens sérieux, mais aussi des romanciers. François Maspero en fait une déclinaison assez romanesque, pas très exacte. Il y a une romancière espagnole qui rajoute, je dirais, les scènes de sexe au milieu des scènes de bataille. Bon, il y a un peu tout ça. Et puis, il y a des gens qui aussi ont travaillé très sérieusement autour de cette histoire, dont la biographe de Gerda Taro, qui a en quelque sorte réinventé son histoire, qui s'appelle Irma Chabert. Oui, une Allemande. Une Allemande. On peut dire que le couple est assez fascinant. C'est un couple moderne aussi. Il a quelque chose de moderne, en tout cas. Un homme et une femme qui travaillent et qui sont passionnés tous les deux par la même chose, qui sont engagés. Il y a aussi le fait que, sans doute, ils sont un peu déracinés, le fait qu'ils vont mourir tous les deux, elle avant lui, mais ils vont quand même mourir tous les deux dans l'exercice de leur métier. Il y a quelque chose de romantique là-dedans. Il y a quelque chose de romantique, ce Paris des années 30, c'est le Paris des réfugiés. On pourrait faire une comparaison avec aujourd'hui. Je veux dire, ils sont juifs, ils sont polonais pour David Semourchim, hongrois pour Robert Capa, allemande pour Gerda Taro. Honnêtement, ils meurent de faim. Ils meurent de faim, littéralement. Dans les années 30 à Paris, ouais. Dans les années 30 à Paris, ils cherchent du travail. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne parle pas le français? Eh ben, c'est travailler autour de la photographie. Donc, ils sont tireurs, retoucheurs, ils font des photos comme ils peuvent, ils gagnent un petit peu d'argent. Mais en fait, avant la guerre d'Espagne, ils n'existent pas. Il y a le Front Populaire quand même. Il y a le Front Populaire, donc ils travaillent pour les journaux qui couvrent le Front Populaire, grâce à David Semourchim, qui est le grand ami de Capa. Et Gerda Taro, alors c'est ce qu'on dit, va inventer la légende avec les deux noms, Robert Capa et Gerda Taro. Et en fait, c'est la guerre d'Espagne qui va en faire des héros du photojournalisme moderne. Est-ce qu'ils vont inventer une nouvelle manière de photographier la guerre? Est-ce que c'est pour ça aussi que la guerre d'Espagne est associée au photoreportage? Moi, quand je dis qu'ils inventent le photojournalisme moderne, c'est pas uniquement la manière de prendre les photos. C'est vrai qu'ils les prennent de près, qu'ils prennent des risques. Mais c'est surtout cette idée du photojournalisme moderne, le fait qu'ils défendent le fait de conserver leurs négatifs, de légender leurs photos. Ils veulent créer une structure qui sera, après la guerre, Magnum, où les photographes défendent leur travail dans les journaux, vendent des reportages entiers et non pas uniquement des photos isolées. Ils sont très très mécontents quand certaines de leurs photos sont tronquées ou mal légendées ou publiées dans la presse nazie. Et donc, ils veulent contrôler l'usage de leur photographie. C'est ça, le photojournalisme moderne. Alors, merci, Michel Lefebvre. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Gerda Taro et Robert Capa, une passion photographique, un texte original de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Auteur n'importe l'histoire. La réalisation est signée Sophie Aude-Picon. Fuir, il ne faut pas. Fuir encore devant les fascistes comme à Leipzig. Non. Il fallait tenir la position. Hier, on était vainqueurs. Il fallait tenir. Reculer, c'est leur céder la victoire. Je n'ai pas de prise. Oh ! Mes doigts glissent. Combien de temps je vais tenir sur le marchepied de cette voiture ? J'avais encore de la pellicule, j'aurais pu. Mais se faire tuer, ne plus pouvoir témoigner, mieux vaut encore fuir. Si Capa avait été là, il aurait... Non ! Qu'est-ce qu'il fout ce tank à tanguer comme ça et à rouler au milieu ? Mais bon sang, crétin, attention ! Mais... Capa, qu'est-ce que tu fais par terre au milieu de toutes ces photos étalées ? J'ai fait développer les derniers négatifs de Gerda. Il y a de bons clichés ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? C'est pas ce que je cherche. Fin juin 1937, Robert Capa, le grand reporter photographique, est à Paris. Il se terre dans son appartement. L'impensable vient de fracasser sa vie. Gerda Taro, sa compagne, a été victime d'un accident mortel sur le front de la guerre d'Espagne où elle effectuait un reportage. Son ami Henri Cartier-Bresson est venu le soutenir. Tu cherches quoi ? Un signe. Un signe ? Un message de Gerda pour moi. Mais Capa ne savait pas qu'elle allait mourir. Tu ne crois pas qu'on pressent ces choses-là et que malgré elle, elle aurait pu m'envoyer un message ? Que veux-tu qu'elle te dise ? Qu'elle n'a pas cru que je l'abandonnais en la laissant là-bas, seule, en Espagne. Qu'elle m'aimait. Ça, tu le sais bien. On aurait même pu photographier ce que vous éprouviez l'un pour l'autre, tellement c'était palpable. Oui, mais je veux une preuve. Une preuve que je pourrais garder sur moi toute ma vie, comme une photo. Allons, donne-moi ces photos. Je vais les apporter aux journaux qui les réclament. Ils me préparent un numéro spécial sur elles. Viens, il faut pas que tu restes ici. Le père et le frère de Gerda te cherchent. Pourquoi ? Ils sont désespérés et en colère. D'après eux, tu es responsable de la mort de Gerda. Je crois qu'il pourrait être violent. Ils ont raison, je l'ai tué. Arrête ! Qu'est-ce que ça aurait changé si tu avais été là ? Tu aurais arrêté le tank ? Et puis, ce n'est même pas l'accident qu'ils te reprochent. Alors c'est quoi ? Ils disent que tu l'as tué en lui mettant un appareil photo entre les mains. Est-ce qu'ils ont tort, Henri ? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai fait ? Au début du chemin qui a mené Robert Capa et Gerda Taro l'un vers l'autre, tous les deux portaient d'autres noms. Des noms qui trahissaient leurs origines. Durant sa jeunesse à Leipzig, en Allemagne, Gerda s'appelle encore Gerda Pohoril. Sa famille est d'origine juive polonaise. Gerda reçoit une éducation bourgeoise, parle plusieurs langues, et la pension suisse où elle a passé son adolescence ne réussit pas à endiguer son désir d'émancipation. En mars 1933, 2 mois après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, cette jeune fille rebelle est arrêtée et conduite en prison, alors que les nazis font la chasse aux opposants. Doucement ! On ne bouscule pas une jeune fille comme ça ! On ne voit pas grand-chose là-dedans. Il y a quelqu'un ? On est là, on est là. Gerta est incarcérée parce qu'on l'accuse d'avoir distribué des tracts anti-nazis et d'être une sympathisante communiste. Mais ce sont surtout ses frères que les nazis recherchent. On est là. Attends, on allume une bougie. Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Gerta. Excusez ma tenue déplacée, c'est que les SA m'ont arrêtée juste au moment où je sortais pour aller danser. Non, tu rigoles. Tu t'habilles toujours comme ça avec une jolie jupe rouge. C'est quoi cette couleur ? Grenade. Un chemisier en soie et des chaussures à talons pour aller en prison. C'est à cause de ma mère. Elle dit toujours qu'il faut avoir une tenue correcte quand on est dans la gêne. Une tenue négligée te condamne, une tenue correcte te donne une chance. Elle n'a pas tout à fait tort. C'est pas faux. En attendant, je me suis fait arrêter. Vous êtes là depuis longtemps ? 10 jours. Oh mince. Moi qui croyais que ça ne durerait que quelques heures. Tu veux une cigarette ? Et comment ? Mais pourquoi ils ont arrêté une fille comme toi ? Juive et fréquentant des rouges, ça suffit. Mais en réalité, ce sont mes frères qu'ils veulent. Alors tu vas être interrogée tous les jours par ce type atroce. Atroce ? Affreux. Un vicieux qui a un rire qui grince, mais il a une faille. Il ne supporte pas de voir les femmes pleurer. Tu veux dire que si je pleure... Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis là ? Je ne comprends pas. Je ne suis pas communiste. La politique, je n'y comprends rien. Si je pleure comme ça, il me fera libérer ? Sûrement. En tout cas, avec tes talents de comédienne, t'as intérêt à essayer. C'est quoi ces cris atroces ? Ça vient du quartier des hommes. C'est la Gestapo. Mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Comment vous appelez les gardiennes ? Il y a une sonnerie, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Et elle est où ? Là, à ta droite, le bouton en hauteur. Mais il ne faut pas... Non, non, arrête ! Ça donnera quelques minutes de répit à celui qui torture, c'est déjà ça de gagné. Il ne faut pas baisser les bras, les filles. Il n'y a que l'espoir qui va nous faire tenir dans ce trou à rats. Il faut qu'on ait en permanence l'esprit occupé pour tenir. Occupé à quoi ? Je sais pas. En tout cas, ne va pas se raconter des secrets. S'ils se mettent à nous torturer, moins on en sera les unes sur les autres, mieux ce sera. Non, on pourrait s'apprendre mutuellement les langues étrangères que l'on connaît. Ou... Oh, je sais ! Bah, qu'est-ce que tu fais ? L'alphabet, avec coup contre le mur. Mes frères me l'ont appris, comme ça on pourra communiquer avec les hommes, de cellule en cellule. Taisez-vous, voilà les gardiennes. L'excuse pour la sonnerie, c'est que vous n'en pouviez plus de m'entendre gémir, d'accord ? D'accord. D'accord. Oh, mon ventre ! Mon ventre ! Oh, j'ai trop mal ! À l'aide ! Qu'est-ce qui me prend ? Il faut que j'arrête d'avoir peur de tout. Marcher dans les rues de Paris la nuit n'a franchement rien d'inquiétant. Bon, pour ne pas avoir peur, c'est très simple. Il faut aller au-delà de la peur, se mettre dans une espèce d'état second. C'est drôle, ça me rappelle la prison à Leipzig. Pour jouer les idiotes innocentes, il m'a bien fallu contrôler mes peurs, que je sorte de moi-même jusqu'à ce qu'on me libère. Et puis qu'est-ce qu'une ruelle sombre comparée au voyage que je viens de faire pour venir jusqu'ici toute seule, hein ? Libérée grâce à son passeport polonais, Gerta a rejoint Paris à la fin de l'été 1933. Toute l'intelligentsia anti-nazie y est réfugiée. Après avoir été fille au père, elle gagne sa vie avec des petits boulots au noir et partage le loyer d'une chambre avec son amie, Ruth. C'est elle qu'elle doit rejoindre au Dôme, le café de tous les exilés dans le quartier de Montparnasse. Moi, la peur, ça me fait avancer. Je préfère bouger plutôt que d'attendre et de subir. Les tarés des ligues d'extrême droite qui se promènent seraient trop contents de s'en prendre à une réfugiée. Heureusement, je cours vite, petite mais rapide. Ruth exagère. Qu'est-ce qu'elle a besoin de moi ? Elle pouvait bien le rencontrer seule, son photographe. C'est juste des photos publicitaires qu'il lui propose, pas la gaudriole. Mais elle le trouve étrange. Comment elle a dit ? Trop hongrois, trop beau, trop sûr de lui, trop pauvre. Bref, c'est de son charme qu'elle a peur. Et moi, il va falloir que je la défende contre ce voleur de poules. Ce photographe, c'est Endre Erne Friedman. Né en octobre 1913 à Budapest, en Hongrie, il est issu d'une famille juive. Ses parents tenaient une maison de couture à la mode. Dès le lycée, Endre s'intéresse à la politique, ce qui lui vaut d'être arrêté à 17 ans pour participation à des activités hostiles au gouvernement. Sa libération est obtenue par une cliente de ses parents, à la condition qu'il quitte sur le champ le pays. À Berlin, il apprend les rudiments de la photographie. Immigré, juif, rouge, trois raisons de quitter l'Allemagne lorsqu'Hitler est nommé chancelier. En octobre 1933, il débarque à Paris et, francisant son nom, devient André Friedmann. Il se perfectionne en photographie et tente de placer ça et là des clichés ou d'obtenir des reportages pour des revues célèbres telles que Vue. Gerta, par ici. Oh là là, c'est sûr. Il a une belle tête de tzigane, son photographe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente André Friedmann, Gerta, avec qui je partage un appartement. Elle a tenu à venir, elle s'intéresse un peu à la photographie. Ta couleur de cheveux est incroyable. C'est brun, c'est rouge, c'est le feu. C'est du henné. Le contraste est parfait avec tes yeux verts. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Vous, en revanche, le contraste, ce n'est pas votre fort. Tout est noir. Les cheveux comme les yeux. Il ne vous manque que la boucle d'oreille et le tambourin. Les femmes m'appellent parfois le tzigane. Tu as vu des connaissances ? Joseph, un coup de vent, il allait au Capoulade. Quel Joseph ? Ils s'appellent tous Joseph. Joseph Roth, il est avec Willy Brandt. On les rejoindra après, quand on puisse parler de choses sérieuses. Parce qu'avec moi, on ne dit que des bêtises. Je ne sais pas. De quoi on peut bien parler avec un photographe de publicité ? Elle est terrible. Tous les hommes que l'on rencontre sont ou écrivains ou photographes. À croire que tous les réfugiés de l'Europe de l'Est ont débarqué avec un Leica en main. La presse demande sans cesse plus d'images, il faut bien fournir. La publicité, c'est pour survivre. Quand vous débarquez dans une ville étrangère, sans le sou, sans relation, il faut bien se débrouiller. Si je pouvais, je ne ferais que du reportage. André a photographié Trotsky à Copenhague. C'est vrai ? Oui, il donnait une conférence à des étudiants. Dis-moi, Ruth, je ne savais pas que je devais passer un véritable examen pour avoir le droit de te photographier. Sois gentille avec Gerta. Elle a pris la sténo. Elle pourrait taper les légendes de tes photos, cela leur donnerait un côté plus sérieux. Oh, bonne idée. Tu voudrais bien ? Combien tu me payes ? Une bière. Va pour la bière. Garçon ! Et tes reportages, c'est quoi ? Pour l'instant, pas grand-chose. La construction de la basilique de Lisieux. C'est fou, ce culte pour Sainte-Thérèse. Et puis, je peaufine mon travail. Je voudrais faire du reportage sur des événements, être en mouvement, au cœur de l'action. Mais pour photographier quoi ? Je ne sais pas, des choses vivantes, des manifestations. Là, par exemple, je reviens d'Espagne, j'ai photographié un type qui bat des records de vol en aérostat. Waouh ! J'ai un peu appris la photo en Allemagne. Tu ne voudrais pas m'aider à devenir professionnelle ? Tout ce que tu veux, mais dis-toi bien qu'obtenir une carte professionnelle en tant que femme sera très difficile, voire impossible. Tu ne me connais pas encore ? Je suis du genre à m'accrocher comme un crabe à son rocher. Madame ? Une bière, s'il vous plaît. À propos de rocher, je vais faire du camping dans un mois avec des copains sur une petite île en face de Cannes, l'île Sainte-Marguerite. Ça vous dirait de nous accompagner ? Moi, je ne peux pas m'absenter de mon travail. Et toi ? La mer, le soleil. Et toi ? Et moi ? Les deux premières propositions sont tentantes. Et la troisième ? Elle pourrait le devenir. Est-ce que je peux remonter par là ? Oui, il n'y a pas d'oursin. Aide-moi. Voilà, viens. Passe-moi la serviette. Ce parfum d'eucalyptus me fait tourner la tête. On pourrait pêcher ici, tu as déjà pêché ? Oui, dans la Seine à Paris, quand j'avais trop faim. Oh. Bon, ça ne peut plus durer. Quoi donc ? Vivre comme ça, sans un sou. Il faut que tu passes à la vitesse supérieure. Tes clichés sont bons, mais les agences te les payent une misère. C'est le même prix pour tous. Justement, il ne faut plus que tu sois comme les autres. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai réfléchi. On va appliquer à la lettre les conseils de ma mère. C'est-à-dire ? On ne prête qu'aux riches. Avec ta prochaine paye, tu t'achèteras des pantalons corrects, des chemises bien coupées et des chaussures en cuir de qualité. Mais tu veux me déguiser ? Quand on est dans la dèche, il faut s'habiller comme un prince. L'apparence influence beaucoup les gens. Il n'y a pas que cela que je veux changer chez toi. Quoi d'autre ? Ton nom. Mon nom ? Oui. Fini le Friedmann expatrié juif hongrois. Voici le grand photoreporter américain venu travailler en Europe. Mais je parle très mal anglais. On s'en fout. C'est moi, ta secrétaire, qui irai dans les agences proposer tes clichés. Tu es folle, mais j'adore. Il me faut un nom. Un nom sans origine. Plein d'espoir, comme les films de Capra. Capra, c'est parfait. Pourquoi on me demande sans cesse si je suis de sa famille? Alors changeons-le un peu. Cara, trop espagnol. Capa. Capa, c'est adopté. Et pour le prénom? Beau gosse comme je suis, je mérite un prénom de star comme Robert Taylor. Parfait. Alors ça sera Robert Capa. Grand photoreporter pour vous servir, belle dame. Commence par m'embrasser, Bob. Le subterfuge fonctionne à merveille. André, devenu Robert Capa, vend ses clichés trois fois leur prix. Bientôt, les rédacteurs en chef ne sont plus dupes, mais ils continuent à lui confier de nombreux reportages. Gerta travaille à présent dans une agence de photos. Elle suit Robert pendant ses reportages pour approfondir ses connaissances et elle apprend le travail en chambre noire. Pour échapper à son nom, qui clame ses origines et son statut d'immigré, Gerta Pohoril aussi change d'identité et devient Gerda Taro. Nous sommes en 1936, Robert Capa est de plus en plus apprécié grâce à ses reportages sur le Front populaire. En juillet 1936, un événement va donner l'occasion à Gerda et Robert de travailler ensemble. Le soulèvement franquiste contre la jeune République espagnole. Le 5 août, le couple s'envole pour Barcelone. J'ai l'impression d'être ivre. C'est la première fois que je monte dans un avion. Il est si petit. Et dire que là, sous mes pieds, il y a le vide. Robert fait le blasé, mais je vois bien qu'il n'est pas tranquille. Il cherche ma main. J'adore quand il me sourit comme ça, fanfaron et un peu inquiet. Prendre le train n'aurait pas été raisonnable. Nous avons déjà pris du retard. Il paraît que l'on n'entend plus un coup de feu à Barcelone, que le putsch a échoué. Mais ce n'est pas parce que le peuple a réagi si vite et si vivement que les fascistes vont renoncer, surtout s'ils sont soutenus par Mussolini et Hitler. Je suis bien contente de quitter Paris. Ce qui s'y passe m'insupporte. Pourquoi le gouvernement Blum se démène pour conclure un pacte de non-ingérence? Tu disais? Pourquoi le Front populaire ne veut pas venir en aide au gouvernement républicain espagnol? Il est bloqué par la droite, les radicaux et les Anglais. Au début, il a proposé de soutenir, mais à présent... C'est à gerber. Il faut que nos photos changent l'état d'esprit des gens. S'il y a un soutien massif de l'opinion publique, alors peut-être que Blum agira. Pour que nos clichés soient plus efficaces, on devrait les signer avec une sorte de sigle. Et tu proposes quoi? Qu'on mette juste Capa. De toute façon, on ne me connaît pas encore, alors ce sera plus facile de les écouler sous ce nom. Ok. Tu préfères prendre le relais flex ou le Leica? On verra sur le terrain, on peut toujours échanger. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? On perd de l'altitude, non? Beaucoup trop vite! Pourquoi le pilote n'essaye pas de... Tu entends ce bruit? Il y a un truc... Oh bon sang, on pique! On va se cracher! Ta main! Donne-moi ta main! Penche-toi en avant, il tente un atterrissage! André! Oh ben tiens! Garde-toi! Par miracle, les deux photoreporters sortent indemnes du crash de leur avion. Ils se rendent aussitôt à Barcelone. Dans la capitale catalane règne une étrange atmosphère. Le gouvernement républicain de Madrid n'y contrôle plus rien. Ce sont les anarchistes qui désormais gouvernent la ville. Un mélange de peur, on s'attend à une attaque imminente des franquistes, et d'ivresse de la lutte, liée à la soif du sacrifice pour sauver la liberté. Capa et Taro photographient la foule, les barricades, l'apprentissage des milices. À la mi-août, ils quittent Barcelone pour le front, où s'affrontent d'un côté les républicains associés aux révolutionnaires d'extrême gauche et de l'autre l'armée des putschistes menée par Franco. Attention, grenade, on recule. Elle n'était pas si loin celle-là. Baisse-toi, Gerda. Tiens consciente parfois. C'est toi-même qui dis que si une photo est mauvaise, c'est que le photographe n'est pas assez près de son sujet. Mais il y a une différence entre quitter son poste d'observateur et se mettre en danger. Oui, oui. Bon, assez discuté, viens. On remonte plus près des combats. Et c'est moi qui prends des risques? Baisse-toi quand tu cours! Je suis si petite que ça ne fait pas de différence. Mais qu'est-ce que tu fous avec des talons? Un peu de féminité dans cet univers si masculin. Tu es folle. Viens, On se planque dans ce trou d'obus. Tu m'aimes? Oui, jusqu'à ce que la pelle et la pioche nous séparent. Qu'est-ce qui tient cette position? Les anarchistes. On va rester ici en contrebas. Attention à ton appareil. Crois-moi, je me ferais plutôt casser le bras que mon objectif. On ne bouge plus de là. Ça y est, ils montent à l'assaut. Merde. Les fachos ont une mitrailleuse. On ne peut pas se lever, on va prendre une balle. Je jette un coup d'œil. Robert. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils y vont à découvert, ils vont se faire cueillir à tous les coups. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire un cliché en tenant mon Leica au-dessus de ma tête sans sortir. Mais tu ne vois rien. J'appuierai sur le déclencheur pour sortir. Vamos! Vamos! Maintenant. Je sais pas si j'ai quelque chose dans la boîte. On verra au développement. Ce cliché d'un milicien frappé par une balle qui s'effondre en lâchant son fusil sera publié dans Vue le 23 septembre 1936. Ce sera la photo la plus célèbre de Capa, celle qui fera naître la légende du grand photoreporter prenant tous les risques pour être au cœur de l'action et rapporter un témoignage incontestable. À l'automne, Capa et Taro rentrent en France. Je peux entrer ? Gerda, tu en es où ? J'ai fini le bain de révélateur. Tu peux ouvrir ? Salut Henri. Ça fait 3 jours que vous êtes enfermé dans cette chambre noire. On a rapporté tellement de pellicules. Gerda, tu connais Cartier-Bresson ? Oui. Salut Henri. Bonjour Gerda. Ou Gerda ? Je m'y perds dans vos changements de nom. Oh, il est beau ce cliché. C'est Gerda qui l'a pris. Non, c'est toi. Tu es sûr? Ah oui. Le tien, c'est celui-là. Vous photographiez les mêmes sujets? Cela arrive. Mais comment vous vous y retrouvez? On ne s'y retrouve pas, justement. C'est pour ça qu'on signe Capa. Bon alors, la situation en Espagne? Madrid est assiégée. L'aviation allemande bombarde la ville. C'est la première fois que des civils sont pris pour cible. Cette guerre est pleine de premières fois abominables. Les Allemands interviennent? Mais il faut le faire savoir. On l'a fait. On a aussi envoyé des photos des troupes de Mussolini qui participent à l'écrasement des forces républicaines, mais personne ne bouge. J'ai fait un reportage sur les conséquences des bombardements allemands. Tu sais, on dirait qu'ils choisissent leurs cibles pour étudier les mouvements de panique des populations. Par exemple, ils bombardent les hôpitaux. Quel intérêt pour les combats? C'est comme s'ils se préparaient pour un conflit plus général. L'Espagne est un terrain d'expérimentation pour eux. Il faut que je vous dise quelque chose. Oula, ça fait peur, ton air dramatique sous la lumière rouge. Ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Précise. Vos photos et celles d'autres photographes sont en train de changer complètement le reportage et la vision qu'ont les gens de la guerre. Maintenant, ils peuvent voir le vrai visage de la guerre. Nous sommes d'accord. À une nuance près, une fois que les clichés sont donnés aux agents, vous n'avez plus de contrôle sur eux. On sait à qui on les confie. Ça ne marche pas comme ça. Tenez. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Un journal de propagande nazie. Ma photo de la milicienne, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui leur a vendu? C'est ça le risque dont je voulais vous parler. Cette photo d'une milicienne en armes est parue chez nous, dans Vue. Avec une légende qui disait que les femmes combattent pour la victoire républicaine aux côtés des hommes. Mais dans ce torchon... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Oh. Die republikanische Armee ist weibisch und ohne echte Kämpfer. L'armée républicaine est efféminée et sans véritable combattant. Scheiße. Il faut vraiment contrôler la diffusion de nos images. D'où la nécessité de créer notre propre agence. Une agence qui ne sera gérée que par des photographes. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous comptez repartir bientôt? Ils repartent ensemble en février 1937. Sur la face arrière des clichés, désormais, le tampon indique Capa et Taro. En Espagne, la situation a changé. Les offensives républicaines, mal conçues, provoquent de lourdes pertes qui affaiblissent la République. À présent, chaque village, chaque rue est défendu au cri de No Pasaran. Robert et Gerda veulent rapporter des témoignages de tous les fronts, des combats, mais aussi de la lutte des républicains pour sauver l'héritage culturel de l'Espagne au moment où les fascistes bombardent le Prado et ses collections de tableaux. Viens, on se lève, on descend au bar de l'hôtel boire un verre. Non, ne bouge pas. Reste un peu. Cette douche après tous ces kilomètres parcourus, quel luxe. Moi, je ne compte plus en kilomètres, mais en films. J'ai utilisé au moins 8 pellicules aujourd'hui. Je voudrais te photographier là, nu dans cette lumière, entre chien et loup, sur ces draps froissés. Ma pequeña rubia. Eh bien, ta petite blonde te dit, vas-y. Tu me laisserais ? Est-ce que je t'ai déjà refusé quelque chose ? Attends. Vas-y, regarde-moi. Non, pas comme ça. Fais-moi ce regard que tu avais tout à l'heure. Quel regard ? Mais quand tu m'as dit viens et que tu m'as tiré vers le lit. Celui-là ? Oui, celui-là. Mais non, je n'ai plus assez de lumière. Oh, moi, je me lève. Oh, j'ai besoin d'alcool fort pour me remettre. Tu as laissé passer ta chance de faire le plus beau cliché du monde, celui du plus pur désir. Tant pis pour toi. Bon, d'accord, on descend au bar. Hemingway et Dos Passos sont sûrement. Je te laisse seule avec Hemingway, ce type est insupportable. Je l'adore. Évidemment, tu es un homme. Son discours sur les femmes m'insupporte. Dos Passos, voilà un mec bien, un authentique révolutionnaire. Il a l'Espagne dans le sang. Comme toi. On dirait que cette terre est devenue la tienne, que le destin de ce peuple est le tien. Faut pourtant qu'on arrive à prendre du recul. Pourquoi ? Pour être toujours à une distance respectueuse. Qu'est-ce qu'elle a ma distance ? Mais tu photographies des corps, des cadavres, le regard perdu des blessés, moi très rarement. Et alors ? Je n'ai pas pris de photos des charniers, et pourtant. Moi je saisis l'individu seul, les victimes, pour montrer l'ignominie de l'ennemi. C'est ça pour moi la distance respectueuse, que le sujet soit mort ou vivant. Cela pourrait laisser penser à la défaite. Ce ne sont pas des combattants, mais des femmes et des enfants morts que je photographie. Il y a une grande différence. Nos photos sont politiques. Évidemment. Elles nous imposent des choix. Quand tu photographies ce milicien qui sur un mur efface les mots « Arriba España » et peint « Viva Rusia », tu prends parti. Pour qui ? Pour Moscou. Qui écrase nos amis anarchistes et marxistes avec l'aide des communistes espagnols. En réalité, Moscou est opposée à toute révolution prolétarienne. Qu'est-ce que tu racontes ? Moscou est le seul soutien financier de la lutte et seul capable de diriger le front antifasciste. Cela excuse leur meurtre ? On est là pour photographier, c'est tout. Nos jugements politiques ne doivent pas transparaître. Tu crois vraiment que c'est possible ? Notre arme, c'est notre appareil photo. On apprend chaque jour les conséquences de nos clichés. On doit continuer. Oui, on doit continuer. Dors, mon Bodhigan, sous cet arbre. Une courte sieste volée à la guerre. C'est incroyable. On entend les combats au loin, et juste devant nous, des paysans cultivent leurs champs. Cela fera un beau plan pour notre film. Tu as eu raison de prendre une caméra. Dors encore un peu, et efface ce sillon entre tes deux sourcils. J'espère que tu ne m'en veux pas. Quand tu m'as prise dans tes bras tout à l'heure, quand tu m'as murmuré à l'oreille ta demande en mariage, j'ai réagi très vivement. Je sais. Mais mon cœur, je voudrais que tu ne doutes pas de mon amour. C'est le statut de femme mariée que je refuse. Je n'appartiens à personne, même pas à celui que j'aime. Et je ne signerai pas un papier qui dit que je dois obéissance à qui que ce soit. J'ai eu trop de mal à conquérir ma liberté. Alors non, je ne t'épouserai pas. Toi, tu es pour toujours mon frère et mon âme sœur. Tout à l'heure, quand tu te réveilleras, je te dirai que je veux signer mes photos de mon seul nom. Je suis une femme libre à présent, grâce à toi. Tout à l'heure, nous retournerons au front. J'ai hâte. Je me sens tellement inutile quand je n'y suis pas. Je vais partir. J'espère qu'à Barcelone, je trouverai un train pour Paris. Tu es certaine de ne pas vouloir rentrer avec moi ? Non, Il faut que je couvre le congrès international des écrivains à Valence et à Madrid. Je pourrais continuer à faire des allers-retours sur le front. On s'en va. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? La compagnie polonaise qui est là-haut. On vient de me dire qu'elle est très déçue qu'on ne vienne pas les photographier. La rançon de la gloire. Allez, on y va. Mais Gerda, c'est un poste avancé, c'est trop dangereux, jamais on ne pourra passer. Des Polonais, Robert, venus se battre ici, et moi, Gerda Pohoril, je n'irai pas. On est en plein jour, c'est de la folie de vouloir passer là. Les tirs sont sporadiques, c'est l'heure de la sieste, les fachos vont dormir. Allez, viens, on devrait déjà être là-bas. Oh, tu es impossible. Bon, laisse la caméra, on prend seulement les appareils photo. Go, go! Kappa et Taro sont accueillis en héros par la compagnie polonaise. Ils les photographient longuement. Les soldats les retiennent de force jusqu'à la nuit pour qu'ils puissent repartir sans trop de risques. Kappa regagne Paris. Il prépare un voyage en Chine. Gerda continue de tourner leurs fines témoignages. Elle veut fixer la victoire républicaine. Elle y croit encore. Pourtant, tout est en train de basculer. Les forces franquistes, aidées par l'Allemagne et l'Italie, emportent de plus en plus de victoires et les luttes intestines entre les différentes factions minent les rangs républicains. La veille de rentrer à Paris, Gerda retourne sur le front. Les républicains viennent de reconquérir du terrain à Brunete. Elle veut revenir avec des photos d'espoir, mais, arrivée là-bas, elle reçoit l'ordre de repartir. Gerda refuse. Elle veut photographier jusqu'au bout. Quand la situation est désespérée, qu'il faut renoncer et partir, elle s'agrippe à la portière d'une voiture transformée en ambulance. Je n'ai pas de prise. Oh ! Mes doigts glissent. Combien de temps je vais tenir sur le marchepied de cette voiture ? J'avais encore de la pellicule, j'aurais pu. Mais se faire tuer, ne plus pouvoir témoigner, mieux vaut encore fuir. Si Kappa avait été là, il aurait... Non ! Mais qu'est-ce qu'il fout ce tank à tanguer comme ça et à rouler au milieu ? Mais bon sang, crétin, attention ! Mais... Je suis devenu comme aveugle. Mes larmes brouillent tout. Tout est surexposé. Je ne distingue plus rien. Qui me soutient ? Aragon ? Cartier-Bresson ? Mon ami Chim, je ne sais pas. Voilà des heures que ce cortège marche vers le cimetière du Père-Lachaise. Mes communistes ont voulu l'honorer comme l'une des leurs. La première femme photoreporteur morte au combat. Comment est-ce possible ? Mon amour, tu es morte. Ils m'ont dit que la gravité de la situation t'avait rendu déraisonnable. Que la veille de l'accident, tu étais sorti de ton abri pour obliger les soldats républicains à retourner au combat alors qu'ils fuyaient face au mitraillage des Stukas. Ma Gerda, j'aurais dû être avec toi. Pourquoi ce dernier reportage à Brunete, juste avant de rentrer à Paris ? Si j'avais été là, j'aurais pu te retenir. Je t'aurais forcé à renoncer. Quelle ironie. Éventré par un char républicain. Toi. À la gare, quand on a récupéré ton corps, ton père et ton frère m'ont bousculé. Je me suis laissé faire. Ça les a calmés. À présent, ton père va prononcer le Kaddish. Ce n'est pas possible. Le Kaddish pour toi, Gerda. Ma lumière vivante. Ton père a tort. Quand je t'ai donné ton premier Leica, ce n'est pas la mort que j'ai déposée dans tes mains, juste un appareil photo. Toi, tu as fait en sorte qu'il t'apporte la liberté. Cette liberté après laquelle tu as toujours couru, de Leipzig à Brunete. Alors, dors, ma pequeña rubia. J'ai trouvé le cliché que je garderai toujours sur moi. C'est moi qui l'ai fait. Tu dors dans un lit à barreaux en fer, une jambe hors du drap, un bras replié sous toi. C'est une photo paisible. Une photo qui dit que la mort n'existe pas. qu'elle ne peut pas t'effacer. Gerda Taro et Robert Capa, une passion photographique de Jean-Benoît Vatricot, avec Aurélie Julia, Gerda Taro, Pierre-François Garel, Robert Capa, Jean-Christophe Fraîche, Henri Cartier-Bresson, Élodie Vincent, Helke et Lou Chauvin, Route et les voix de Joséphine Serre, Manuel Martin et Vladimir Perrin. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior et Cécile Braque. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur Gerda Taro et Robert Capa avec mon invité Michel Lefebvre. Agnès Obel, It's Happening Again sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Elisabeth Collet. Michel Lefebvre, est-ce qu'on peut dire que Gerda Taro était la première femme photoreporteur de guerre? On peut dire simplement que c'est la première femme reporteur de guerre qui meurt au combat. Il y a un bombardement, il y a une confusion, elle est sur le marchepied d'une voiture, il y a un tank qui passe et qui dérape, qui voit pas la voiture et elle passe dessous, quoi. Donc c'est la malchance, c'est tout ce qu'on veut. Mais elle a voulu rester jusqu'au bout pour essayer de prendre les photos d'une éventuelle victoire des républicains. C'est-à-dire que le problème des reporters de guerre, et en particulier de Capa et de Guerre-d'Ataro, ça a été pendant toute la guerre d'Espagne de chercher la bataille. Pendant le premier voyage, ils ne trouvent pas de bataille. En particulier, cette fameuse photo du milicien qui tombe, il n'y a pas de bataille à ce moment-là. Donc, eux, ils cherchent la bataille et ils veulent faire des photos de guerre et ils arriveront très rarement à choper de vrais combats. Et vous parlez de cette photo donc de Robert Capa, très célèbre, où l'on voit un milicien, un républicain, un soldat républicain frappé d'une balle. Vous voulez dire que c'est un montage ou... Non, c'est pas un montage, c'est une mise en scène. Une mise en scène. C'est une mise en scène. Ah, vous doutez de la véracité donc de la photo? Si, la photo est vraie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un milicien qui tombe, mais il n'est pas touché par une balle, probablement pas. C'est d'ailleurs ce que dit Richard Willam. Il dit qu'il n'y a pas de combat, mais qu'il y a une balle perdue et qu'il est touché par une balle perdue. Maintenant, on sait que c'est quand même peu probable, vu qu'il n'y a pas de combat à ce moment-là. Donc, beaucoup des photos de guerre, pendant la guerre d'Espagne, mais pendant les autres conflits, aussi sont des photos un peu arrangées, un peu... C'était un usage à l'époque. Voilà. C'est pas un usage à l'époque, c'est aussi un usage aujourd'hui. Bon, vous en publiez dans Le Monde, non, vous essayez d'éviter ça. Non. C'est-à-dire que prendre des photos en plein milieu, quand ça canarde de partout, c'est pas évident. Voilà. Alors, Robert Capa, était-il engagé politiquement? Est-ce que Guerre-d'Ataro l'était plus que lui? Alors, ce sont tous les deux des antifascistes. Ils travaillent tous les deux pour la presse communiste. Donc, leurs photos sont publiées par un magazine hebdomadaire qui s'appelle Regard. Quand elle est enterrée avec toute la pompe d'un enterrement d'une militante communiste. Hein, donc avec, oui, elle travaillait pour Ce Soir. Ce Soir, qui le est quotidien aussi un journal de Louis Aragon. Voilà, et un journal qui s'appelle Regard. Donc, ils ne sont pas communistes pour autant. D'après sa biographe, Guerre-d'Ataro est plutôt sympathisante d'un mouvement anti-stalinien allemand. Honnêtement, le point de vue de Capa là-dessus n'apparaît nulle part. Donc, il n'est pas politisé au point de s'exprimer politiquement dans des courriers, etc. Il est juste antifasciste. Je vous propose d'écouter la voix de Robert Capa. C'est un document qui a été découvert assez tardivement, en 2013. C'est l'unique enregistrement de la voix de Robert Capa. Il explique sur une radio américaine comment André Friedman, c'était son vrai nom, comment il a décidé de prendre le nom de Robert Capa. That was long time ago in Paris, around 1934-1935. C'était il y a longtemps, à Paris, vers 1934 ou 1935, lorsque je me suis dit que mon vrai nom n'était pas génial. Vous voyez, j'étais un jeune homme, aussi déraisonnable que je le suis aujourd'hui, mais en plus jeune. Je n'arrivais pas à avoir des commandes, alors j'ai en quelque sorte décidé qu'il était temps pour moi de devenir un grand photographe et que pour cela, il me fallait impérativement un nouveau nom. Je me suis dit que quelque chose comme Robert sonnerait très américain. De même, j'ai imaginé que Capa sonnerait américain et serait facile à prononcer. Bob Capa, ça sonnait bien. Et puis j'ai inventé une histoire que Robert Capa était un photographe américain célèbre venu en Europe. C'était une époque où l'actualité était très chargée en France, avec le Front populaire, les grèves, etc. Je me suis installé là avec mon petit Leica, j'ai pris des photos et j'ai écrit dessus « Robert Capa ». On les a vendus pour le double du prix habituel. C'est comme ça que Robert Capa raconte, donc ça c'était en 1947 à la radio américaine, comment il est devenu Robert Capa. C'est drôle parce qu'il ne parle pas du tout de Garda à ce moment-là. Enfin, et à la fin, juste, il dit « nous les avons vendus ». C'est peut-être une allusion à Garda sans la nommer. Vous pensez qu'elle a quand même joué un rôle dans cette... un rôle un peu de Pygmalion pour le photographe hongrois exilé, émigré en France. C'est-à-dire que Robert Capa, il raconte beaucoup d'histoires. Quand il raconte son histoire, il en a fait un livre, qui s'appelle Slightly Out of Focus, juste un peu flou. Il raconte des choses qui sont manifestement pas vraies. C'est un peu flou. Oui. C'est un peu flou. Il raconte des salades, quoi. Il enjolive, il est bon. Donc l'histoire de l'invention du nom, il y a plusieurs hypothèses, soit racontées par Irma Chabert, soit par son biographe qui s'appelle Richard Whelan, soit racontées par lui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ce jour-là, il a oublié Gerda Taro. Bon, on était déjà mort depuis 3 ans. Oui. Bon, il raconte les événements où elle était présente, en tout cas. Dans cette histoire. Tout dans cette histoire est très romanesque. Ça me paraît évident et c'est bien pour ça que ça encourage la fiction. Ce qui est sûr, c'est que il fallait inventer ce nom pour gagner leur vie. Ils ont trouvé cette astuce. Ils voulaient être américains. Ça, c'est assez drôle, ça, je trouve. Alors, il a un rapport aux États-Unis qui est un petit peu bizarre. C'est parce le pays où l'on peut survivre aussi quand on est juif, quand on vient d'Europe centrale. J'imagine qu'il y a une espèce de fascination comme ça. Absolument. Il a même eu du mal à devenir américain. Puisqu'à avoir les papiers américains. Oui, quand il partira en 1939. Quand il part en 1939, d'abord, il a beaucoup de chance de partir. Il aurait pu rester dans des camps en France. C'est grâce à Pablo Neruda, qui était consul du Chili, qu'il a pu partir dans un bateau pour les États-Unis et le Mexique. Il a été aux deux endroits. Et il aura, grâce à Hemingway, je crois, la nationalité américaine en 1946. En revenant à Gerda Taro, donc elle est morte en 1937, tous les deux faisaient pas tellement attention à qui avait fait telle ou telle photographie, ils tamponnaient tous les deux Capa et Taro, sans dissocier forcément les œuvres de l'un ou de l'autre. Donc c'est très longtemps après que l'œuvre de Gerda Taro va être reconnue comme telle, enfin comme étant une œuvre à part entière, d'abord par la biographe de Gerda Taro, Irma Chabert. Et puis ensuite, il y a eu cette histoire fabuleuse, la valise mexicaine, des documents qui ont été retrouvés en 2007. Vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable ? Alors déjà, la première chose, elle essaye à toute force de signer Gerda Taro. Elle y parvient dans le numéro spécial de Vue et ensuite, elle y parviendra petit à petit dans Regard. D'abord Taro, ensuite Capa et Taro, et ensuite Taro. Donc ça, c'est bien. Et ce qu'a fait Irma Chabert, c'est qu'elle a contraint le biographe de Capa, qui gère les archives à New York, elle l'a contraint, elle a laissé regarder toutes les photos qu'ils avaient là-bas. Elle s'est aperçue que sur beaucoup de photos, le crédit Gerda Taro avait été gommé pour mettre Robert Capa. Et c'est qui a fait ça ? C'est évidemment et Capa et son frère Cornel Capa, puisqu'il ne vendait pas de photos Gerda Taro. Donc, il vendait des photos qui étaient forcément Capa. C'est-à-dire que Gerda Taro n'était pas une marque commerciale, donc on l'a fait disparaître. Et elle n'était pas bankable. Voilà, exactement. Donc, elle n'existait pas, puisque... Elle était morte. Elle était morte, et donc on reprenait son travail et on mettait Capa. Et Capa, c'était une valeur sûre. Alors que Robert Capa, justement, défendait l'idée de photographie qui devait être... C'est un paradoxe, c'est vrai. Voilà, appartenant au photographe, voilà, au copyright, voilà. Etc. Voilà, c'est voilà. Donc, je reviens à la valise mexicaine. Oui, donc, le travail d'Irma Chabert, c'était dans les années 90. Et puis, il y a l'histoire de la valise mexicaine. Et donc, quand Capa part en 39, il donne ses négatifs à son ami Chicky Vice. Le Chicky Vice le donne... On ne sait pas très bien, chilien, mexicain, etc. Par toutes sortes de détours, c'est volé d'ailleurs, ça se retrouve au Mexique. Oui, on est dans la débâcle de 1940, voilà. Cet ami se retrouve à Bordeaux, il veut partir au Mexique, il donne cette boîte à quelqu'un, enfin, c'est une pagaille monstrueuse, et puis donc... Et donc il y a un général mexicain qui récupère ça, et qui met ça dans une armoire, et finalement le neveu de ce général mexicain, un jour, ouvre, téléphone à New York, et leur dit, voilà, j'ai ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Alors, dans cette boîte, il y a 4000 négatifs. 4000. Et ils vont réussir, grâce à leur connaissance du travail de Gerda Taro, de Chim et de Capa, à identifier les rouleaux faits par chacun des photographes. Et donc, c'est le point final où on sait exactement ce que Gerda Taro a fait, ce que Chim a fait, ce que Capa a fait. Est-ce qu'il y a un style Capa et Taro ? Est-ce que c'est un style commun ou est-ce qu'il y a vraiment un style personnel chacun des deux ? Franchement, au début, ils photographient l'un à côté de l'autre. Ils photographient la même chose. Donc, l'un a un appareil Rolleiflex, l'autre un Leica, donc des négatifs carrés ou rectangulaires. Franchement, il n'y a pas de différence. Moi, je ne vois pas de différence. Il y a un style quand même ? Un style commun aux deux ? Oui, le style, c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'on photographie un peuple en guerre, c'est-à-dire qu'on photographie des gens. On ne photographie pas des soldats, on photographie des gens. Et on photographie le malheur des gens. Alors après, une différence entre Capa et Gerda Taro, moi honnêtement, je n'en vois pas trop. Elle est l'élève de Capa. C'est aussi bête que ça. Et Robert Capa donc, va continuer son travail de journaliste, de reporter, et va couvrir la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, la libération. Il va partir en Indochine, où il trouvera la mort donc en 1954. Ah, il est partout où il faut être, c'est simple. Et il prend toujours la meilleure photo, c'est aussi bête que ça. Il est également à la naissance de l'État d'Israël, il fait des photos merveilleuses. Mmh. Non, il est excellent. Moi, j'adore cet homme, je le trouve... à la fois dans ses parts d'ombre, dans son côté gitan un peu voyou, dans ses côtés brillants, il est impeccable. Et Gerda Taro ? Et Gerda Taro, on ne peut, en lisant des gens qui ont écrit sur elle, que lire qu'elle était à la fois très belle, très intelligente, très maligne, très fine, et très antifasciste, très engagée, très douée. Elle est aussi magique. Merci beaucoup Michel Lefebvre. Vous êtes l'auteur, entre autres, avec Bernard Lebrun, de Robert Capa, Trace d'une légende aux éditions de La Martinière. À lire également L'ombre d'une photographe, Gerda Taro, de François Maspero au Seuil. Et un roman, vous en parliez, En attendant Robert Capa, de Susanna Fortes, en collection 10-18. Autant n'importe l'histoire est terminée. L'émission est bien sûr écoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. J'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pouvez réécouter Édouard Buguet, le photographe des fantômes, Anna Freud face au nazisme ou encore Le mystère de la Marie-Céleste. La semaine prochaine, nous partirons en 1904 à la rencontre d'un personnage sympathique, un Anglais qui aimait la France, et oui, un personnage un peu oublié qui pourtant joue un rôle non négligeable pour retarder la Première Guerre mondiale. C'est bien sûr Édouard VII, le roi d'Angleterre, grand jouisseur, qui, on va le voir, entretenait une relation assez compliquée avec sa maman, la pas très commode Reine Victoria. We are not amused. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Et si vous aimez la photo, ne manquez pas non plus l'émission Regardez voir de Brigitte Patience, c'est à 23h. Très bonne soirée à tous et bien sûr...